Salut à toutes et tous, bienvenue dans l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, émission qui est également podcastable sur son blog asile35.blogspot.fr depuis l'été dernier, la rentrée 2013-2014, également disponible en streaming sur le Mixcloud/Redman. Ce soir, une émission spéciale entièrement dédiée à la mémoire du poète sonore et concret Henri Chopin. Il s'agissait d'un pionnier depuis les années 50 de l'exploration du langage et de la voix par les moyens électroniques, les microphones préparés, les manipulations de bandes, également les performances de poésie-action. Il a notamment aussi beaucoup contribué à promouvoir la poésie sonore en éditant quantité d'enregistrements de poètes dada tels que Raoul Haussmann, ou également ceux de ses contemporains hyperlettristes Beat ou Fluxus. Grâce à ses revues disques 5e saison et Où, entre 1958 et 1974, on va écouter un petit programme qui sera consacré à ses frasques sonores ainsi qu'à celles de ses amis. Et je vous signale chose assez amusante pour cette émission dédiée à quelqu'un qui disait « The body is a sound factory », que votre serviteur est à moitié grippé. Donc je vais parler du nez tout au cours de cette émission. Donc ça va chointer dans les chaumières, je préfère vous prévenir. On démarre par une pièce d'Henri Chopin qui s'appelle « La civilisation du papier », dans laquelle il va un peu présenter sa démarche, une pièce de 1975 qu'on trouve sur la fameuse anthologie du label milanais Cramps Records de 1978, anthologie septuple vinyle rééditée en quintuple CD, qu'on trouve également sur le fameux site UbuWeb à l'adresse ubu.com. On écoute La civilisation du papier d'Henri Chopin. Thank you. En réalité, jamais. Je n'ai jamais accepté une poésie sans voix et sans corps. Jamais. Je n'ai jamais accepté une poésie sans voix et sans corps. Je n'ai jamais accepté une poésie sans voix et sans corps. Je n'ai jamais, jamais accepté une poésie sans voix et sans corps. Je n'ai jamais accepté une poésie sans voix et sans corps. Utilisation de papier. Électronique. Lui, le regard. Danse. Électronique. Danse. la danse du corps et de l'électronique. Voilà un peu comment on pourrait définir les audiopoèmes d'Henri Chopin. Henri Chopin qui a d'ailleurs contribué également à éditer le fameux ouvrage de William Burroughs sous le titre Révolution électronique en 1972. Donc il n'était pas complètement hostile au papier. Il avait également sorti une très belle somme sur cette poésie sonore sous le titre Poésie sonore internationale aux éditions Jean-Michel Place en 1979, ouvrage qui a été réédité et augmenté, mais malheureusement sans les deux cassettes qui accompagnaient l'ouvrage au départ. Voilà donc Henri Chopin qu'on va écouter tout au long de cette émission, ainsi que les gens qui l'ont inspiré. Et dans ces personnes, il y a évidemment tout le mouvement dada historique du côté de Zurich et de Berlin, et notamment Raoul Hausmann, l'Autrichien qui vivait en France dans l'après-guerre à Limoges. D'ailleurs, je signale à nos auditeurs limousins qui peuvent sans doute avoir accès à pas mal d'archives de Raoul Hausmann, notamment au musée d'art contemporain de Rochechouart. Effectivement, donc Raoul Hausmann s'était installé à Limoges en 1944, et Henri Chopin, un peu par hasard, d'après ses propres propos, a enregistré des poèmes optophonétiques de Raoul Hausmann chez lui à Limoges vers 1965-66. Raoul Hausmann, qui est principalement connu comme étant l'inventeur du photomontage et donc du poème optophonétique, il a également écrit pas mal, notamment le fameux livre Sensorialité excentrique. On va écouter une pièce de ce Dadazov, Raoul Hausmann, qui a bien évidemment fortement inspiré son acolyte Kurt Schwitters pour l'Ursonate, qui a été composé par Schwitters entre 1922 et 1932, donc pièce de poésie phonétique. On va écouter une pièce de Raoul Hausmann qui figure sur une anthologie éditée par le label Kaon, K-A-O-N, sous le titre Poème phonétique de Raoul Hausmann. On va écouter un extrait d'une très très longue pièce, enregistrée donc par Henri Chopin, qui s'appelle RLQS, variée en trois cascades, que va présenter de toute manière le Dadazov lui-même. Rilks varié en trois cascades de Raoul Hausmann, enregistré le 25 et 26 mai 1966, voix de l'auteur, organisation magnétophonique par Henri Chopin. Ken, to, men, ho, Ooh. Yeah. La poésie phonétique dada et ultralettriste dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord un extrait d'un poème phonétique de Raoul Haussmann, un poème de 1947 enregistré par Henri Chopin en 1966. C'était extrait d'un CD édité par Caon et le musée départemental d'art contemporain de Rochechouart, et c'était enchaîné avec les fameux cris rythme ultra-lettriste de François Dufresne. Toute chose que Henri Chopin éditait dans sa revue de poésie sonore Ou, cinquième saison, qui était une revue disque entre 1963 et 1974. Le label italien Alga Margen a réédité au début des années 2000 en 4 CD et pas mal de vinyles aussi et d'éditions différentes ces archives de la revue Ou de Henri Chopin. Donc un cheminement logique des poèmes phonétiques dada à la poésie phonétique lettriste. François Dufresne, poète et plasticien, surtout connu pour ses activités d'affichiste, précurseur dans l'utilisation d'affiches lacérées, également un des artistes importants du nouveau réalisme. Il a fait partie du mouvement lettriste d'Isidore Isou entre 1946 et 1964. Dufresne, qui est également l'un des pionniers de l'utilisation du magnétophone dans la poésie sonore à partir de 1953. D'après les propres dires d'Henri Chopin, il aurait été le tout premier à faire ça. Henri Chopin qui évidemment s'entendait assez peu avec Isidore Isou, qui lui est disparu l'été 2007. Donc il a par contre pas mal fréquenté François Dufresne jusqu'à son décès au début des années 80. François Dufresne qui a fait autre chose que des poèmes phonétiques, s'écrit rythme, notamment deux très belles pièces comme Le tombeau de Pierre Larousse. Il y a une édition par Alga Margen également de ses pièces sonores sous forme d'un coffret 4 LP sous le titre L'œuvre des intégrales l'an dernier, ainsi que l'édition d'un livre de 160 pages accompagné par un CD. Donc François Dufresne qui a également pas mal fréquenté le groupe de recherche de musique concrète. Il a participé aux pièces de Pierre Henry dans la deuxième moitié des années 60, notamment Granulométrie en 1967 et Fragments pour Artaud en 1970. Pierre Henry avait effectivement déjà utilisé des phonèmes de Spacania pour la messe de Liverpool. Donc il y a eu une certaine fréquentation de la musique concrète et de ses poètes concrets, même si apparemment il ne s'entendait pas réellement. Enfin, en tout cas, Schaeffer était assez sourd d'après Chopin à leurs activités. Henri Chopin aura plutôt tendance à travailler avec les studios à l'étranger, notamment le fameux studio de la WDR de Cologne ou celui de Filkingen à Stockholm à partir de la fin des années 60. On va écouter une pièce qui date de 1973, qui est assez typique de ce mélange entre voix et électronique des audiopoèmes d'Henri Chopin. C'est une pièce qui s'appelle « Dynamisme intégral ». C'est parti. Thank you. A-U-E-A-S. Torpeur, happé. Torpeur, tort, hap. Tourni. Je flotte, tu flottes, il. Tourniquet sur ses bons dieux. Oh. Fist. Jusqu'à bloquer, bloquant, barré, pieux, pique, piqué, crise, barre. Ficelle, nœud, ruban, comme un rat, filet. Séduit. Piégé, aïe, bouffé, bouffe, bouffant, croquant, dévoré, aïe, pitié, miam, j'aime, oui, adore, absolument, je te, et pourtant pour, hurle, con, posséder, tourner, tourner, tour, craquer le set, dérive, torpeur, happé, torpeur, tort, hap, 1, 2, 3, 4 000 tours, derrière, coquetterie, de la coquetterie, oui. Oh, de la coquetterie, bouché, dérisoire, du tout, comique, aïe, pitié, miam, j'aime, oui, adore. Panique, allons donc, turpitude du tout, fasciné ni plus, tourbillon, joie, les yeux, l'esprit, le cœur, braqué, tendu, paumé, vert, le corps, habité, farci, c'est si simple, obsédé, obsession, de part, à contrario, part, clin d'œil, mais oui, clin d'œil, coupé, tronçon, moulé, haine, condition, tâche, bruit mou, obsédé, obsession, appends-toi, vidé, non, lambeau, allons donc, c'est si, miette, en morceaux, miettes, effuir, éparses, minuscules, alors fuir, minable, le faut-il, déraper, foncer, s'enfoncer, vaille que vaille, aveugle, picoré, déchiqueté, triomphant, misérable, super, mégalo, coup du jour, j'écoute tendre, avaler, toboggan, tendresse, et si trouble, égaré, gare, jusqu'à la moelle, rabord, coupé, déchireur, coincé, déchirant, dé, lucide, ha, pisse, crache, pépi, saigne, bois, avale, pompe, pressé, presse, presse, bouton, citron, pompé, tous azimuts, modelé, hip, disponible, cerné à vif, lacéré, cloche, de rock, selon, façonné, poudre aux yeux, flash, opaque, coulin, je sais, oui, je sais, bien sûr, girouette, et l'entraînement, électronique, musicomane, y rentrer, et si trouble, égare, jusqu'à la moelle, rigolade, habité, rigolade, envahie, harcelé, digéré, absolument, i, continuement, éclaté, à longueur, où suis-je, je ne sais plus, coupé, ou tout simplement, tout autant malgré soi, déchiré, aveugle, je sais, mais oui, je sais, bien sûr, je sais, avalé, quelle bouche, oui, à moins que, qu'importe, c'est fait, ce fera. Et de rire, grincer, plein d'oxygène, de l'air, vidé, farci, tant et tant, fabriqué, au moule. Ah oui, vraiment, rigolade, habité, envahi, harcelé, digère. Rien d'autre que. Continue, à longueur, où suis-je? Je ne sais plus. Où en étais-je? M. Perdu pour père, obsession. Où en étais-je? Comme une crêpe, à tout vent, tirage. Rien d'autre que. Où se trouve? Et de rire, et de rire. Oxygène de l'air, vilain, farci. Tant et tant. Au moule, à façon. Rien d'autre. Le sais seulement, le sais-tu. Alors, obsession, flambé, rien. Ouais, qui s'est perdu, peut-être, après tout, sans doute, tiraillé, pour toi, tu es dingue, pour feu de rire, face à face, mais où se trouve? Ouais, faisons, partagez, dévorez, dévorez, tirez, déchirez, partagez, attirez, crispez, fixez, sur, et pourtant, A-U-E-A, encore que. C'est sûr. Ici, Léa, maintenant, ici, là. Maintenant, à longueur, malgré mes douilles. N, malgré tout, malgré. Ou à cause de. Fondamental. Merci. Droit constitutionnel d'être paumé. Parfois. Droit constitutionnel d'être paumé. Parfois. À l'instant, deux pièces qu'on le retrouve sur une très belle anthologie vinyle, encore publiée par des Italiens, Poesia Sonora, Antologia Internazionale di Ricerche Fonetiche a cura di Maurizio Nanucci, avec pas mal de gens et ces deux pièces qu'on a pu entendre, le dynamisme intégral de 1973 d'Henri Chopin et le fameux passe-partout numéro 1, Ravaillac, tu connais, de Bernard Hetzig, dans une version un tantinet différente de celle publiée par son ami Henri Chopin dans sa revue Où. Bernard Hetzig, qui est évidemment l'une des singularités de la poésie sonore depuis ses poèmes partitions du début des années 60. Il y a eu pas mal de séries dans la carrière de Bernard Hetzig, donc les poèmes partitions au tout départ, qu'il interprétait encore sur scène avec ses magnétophones il y a de ça quelques années, puisqu'il arrive à 80 ans cette année même, je crois, ou 79 ans. Il y a eu une série qui s'appelait Les Biopsies de 66 à 69, donc les passe-partout après, entre 69 et 80. Les éditions Aldant ont édité pas mal, réédité pas mal des pièces de Bernard Hetzig, que ce soit Le Carrefour de la Chaussée d'Antin, Respiration et Brève Rencontre, ce genre de choses. Aldante qui apparemment réussit à redresser un petit peu la barre après avoir coulé il y a de ça quelques années. Le catalogue devrait reprendre ou devrait être repris, donc on ne peut que s'en réjouir. On va continuer avec une pièce assez emblématique de la carrière d'Henri Chopin, qui s'appelle Le fond de la gorge, autrement appelé Throat Power, pièce de 1974, qui illustre assez bien sa démarche de poésie venant littéralement de l'intérieur, un micro-contact dans la gorge, à l'écoute des vibrations du corps humain. On va écouter la version qui figure dans le numéro 0 de la revue Licence de 1999, revue publiée par Alexandre Itters. Je ne sais pas si elle continue. C'est une version qui est un petit peu différente de celle qu'on retrouve sur différents LP d'Henri Chopin. Elle a été retravaillée en 1977 à l'IPEM, l'Institut de psychoacoustique et de musique électronique de Gand en Belgique. Mais elle est vraiment fantastique, cette pièce, Le fond de la gorge de Henri Chopin. Ah. Throat Power, un audio poème d'Henri Chopin de 1974 qui nous amène dans des territoires inconnus, ceux du fond de la gorge, à la redécouverte des sons du corps humain. Une manière pour lui d'exorciser la mort, ce rapport au corps dans sa poésie, d'après ce qu'il raconte dans la longue interview avec Alexandre Itters dans sa revue Licence, le premier numéro 0, sorti en 1999. Effectivement, Henri Chopin avait connu les charniers d'Europe de l'Est de la Seconde Guerre mondiale. Il avait été enrôlé de force pour le travail obligatoire à Königsberg. Puis après, il s'était libéré. Il avait été enrôlé dans les commandos soviétiques malgré lui. Donc, il avait suivi la progression de l'armée rouge. Donc, vu pas mal d'atrocités à cette époque-là, évidemment, c'est aussi heureusement une époque où il a rencontré les oralités en compagnie des Allemands, des Russes, des Ukrainiens, des Polonais, des Serbes, des Croates, des Tchèques, des Slovaques, des Lituaniens, des Italiens, ce qui lui a donné pas mal matière à créer dans l'après-guerre. Voilà donc un peu le parcours d'Henri Chopin. En ce qui concerne le mouvement Dada, canon historique, le rapport à la Première Guerre mondiale était aussi assez important. Voilà, on va continuer avec un autre poète qui a été édité par Henri Chopin dans sa revue Où, cinquième saison. Il s'agit du poète beat Brian Gizin. Brian Gizin, qui est évidemment l'ami de William Burroughs, inventeur du cut-up et de la Dream Machine, un peintre à l'origine. Il habitait en France au début des années 60, au fameux Beat Hotel rue J. Lecoeur, et Henri Chopin allait le tanner pour qu'il lui file des pièces, comme celle qu'on va pouvoir entendre, qui est un classique du genre de Brian Gizin de 1960, I Am That I Am. I am that I am. I am that I am. I am that I am. I am that I am. I am that I am. I am that am I. Am I that I am. Am I that am. I that I am am. Am that I am. I that I am. I am that am. I am that I am. Am I that I am. Am that am. I am. I I that am, am I. I that am, am. Am. I am I. Am that. I am. Am I that. Am I that. I am that. I am that. I am that. I am. I am I that am. I am. Am I that. I am that. Am I. I am I. Am that. I am. Am that. I. Am that. I am I. Am that. Am I I. Am that I? I am. Am that? I am. Am that? Am I? I? Am that? Am that? I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. That I am. I am. I'm

Sputjenit Veronica. Voor de woordpap, voor het bloed en de blunders is je vaandoek niet groot genoeg. Als ik je roep, Veronica, vanuit mijn vliegtuig, goepie boven het dal, raakt mijn evenwicht marvelous, kan nog wel. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Veronica. Veronica. Hallo. Ik stijg. Hallo. Veronica. Ik val. Veronica. Hallo. Veronica. Begraaf. Veronica. Mij. Veronica. Hals. Veronica. Hallo. Ja. Veronica. Hallo. Mij. Veronica. Hallo. Veronica. Hallo. Veronica. Hallo. Veronica. Hallo. Veronica. Hallo. Veronica. À l'instant dans l'asile le plus sûr, une séquence de poésie sonore avec tout d'abord le Machine poème de Brian Gysin, I Am That I Am de 1960, avec sa voix ralentie et accélérée, ses surimpressions et son travail de filtre de chambre d'écho. Il y a pas mal de pièces de cet acabit de Brian Gysin de cette époque qu'a édité Henri Chopin dans sa revue Où et cinquième saison. C'était enchaîné avec un autre de ses acolytes, il s'agit de Acke Odell. Acke Odell, qui est un des musiciens suédois des fameux studios de Filkingen, donc l'un des pionniers de la poésie sonore électronique, avec son acolyte Sten Hansson en Suède. Les éditions Alga Margen d'Emanuele Carcano ont également édité des vinyles d'Acke Odell, notamment 220 volts Bouddha en 1998. Donc il a fait pas mal de pièces fin des années 60 et années 70. On peut pratiquement le considérer comme un compositeur électroacoustique plutôt qu'un poète sonore, ce Acke Odell. À l'époque, Filkingen est devenu l'un des hauts lieux de la poésie sonore en Europe par ses studios, bien évidemment, et l'invitation de pas mal de différents poètes sonores du monde entier, et l'organisation d'un festival. À l'époque, je crois que Henri Chopin vivait en Angleterre, puisqu'il avait quitté la France en 1968-69 pour s'installer en Angleterre avec sa compagne Jean Radcliffe. La troisième pièce, il s'agissait d'un poète sonore hollandais, donc l'un des précurseurs de ce mouvement. Il s'agissait de Paul de Vry, qui est assez peu connu, que Henri Chopin a pas mal édité. Donc un flamand pionnier de la poésie sonore et également visuelle. Il a enregistré de nombreuses pièces à partir des années 50, utilisant les ressources du fameux studio de musique électronique d'Utrecht, le fameux institut de sonologie d'Utrecht, dont j'avais eu l'occasion de vous parler le mois dernier dans l'asile le plus sûr. Alors lui, il utilise principalement les associations sémantiques et phonétiques avec un jeu de réverbération pour créer des allitérations harmoniques. Voilà, on va continuer avec, on va enchaîner avec une pièce de Henri Chopin de 1963 qui s'appelle Vibre-espace, pardon. Donc l'écoute du cosmos intérieur selon Henri Chopin. Véronica. Non, ça c'est toujours la pièce qu'on entendait juste avant de Paul de Vry. D'ailleurs une pièce, un audio-visuel poème de 1953, ce Véronica, donc une pièce très très tôt. On écoute donc cette fameuse pièce d'Henri Chopin, Vibre-espace, de 1963. Thank you. Les vibrations intérieures magnifiées par Henri Chopin dans cet audio-poème de 1963, Vibre-Espace, qu'on retrouve sur le premier disque de la réédition quadruple CD d'Alga Margen de la revue OU. Le OU numéro 20-21 qu'on retrouve sur ce premier disque donc, de la revue OU. On va continuer avec un peu la descendance de Henri Chopin en la personne de la poétesse Sylvie Neve, extrait d'un livre CD de Jean-Pierre Bobillot, qui n'est tout autre que le compagnon de cette fameuse Sylvie Neve. Livre CD qui s'appelle « Crever le matelas de mots et autres poèmes », 1978-1999, édité par l'Atelier de l'Anneau, en 2000. Voilà, donc différentes pièces, dont celle qu'on va entendre, qui s'appelle « Partition de principe » de 1986 par Sylvie Neve. Je voulais vous signaler que Jean-Pierre Pierre Bobillot s'est illustré par un très très beau livre sur Bernard Hetzig sous le titre Poésie Action. Je crois que c'est aux éditions Jean-Michel Place avec un CD anthologie très très chouette. On écoute cette pièce Partition de principe. Parler du nez, parler entre ses dents, du bout de la langue. Je parle du ventre, je parle entre mes seins, du bout de la langue. Articuler du bout des doigts, parler des dents, sans desserrer le nez. Je parle du mou des dents, j'articule des doigts, sans desserrer mes joues. Proclamer à U et à doigts, à luette, gentille luette, à bouche, que veux-tu? Je veux ta bouche, clamer ta luette, ma gorge déployée. Je chante les neurones, le tympan, le sexe, le cortex. Je mâche mes mots, je hache les mots, je ballonne les mots, je lâche du zeste, je donne des dents, j'abouche louche. Parler du nez, parler du nez, parler entre, parler ses, entre dents, ses dents, du bout de la du langue. Bout de la langue. Je parle du ventre, je parle du ventre, je parle entre mes, je seins, parle entre mes seins, du bout de la langue, du bout de la langue. Articuler, articuler du bout des doigts, parler des, parler dents, des dents, sans desserrer, sans le, desserrer nez. Le nez. Je parle du mou, je des parle dents. Du mou des dents, j'articule des, j'articule doigts, des doigts, sans desserrer mes, sans joues. Desserrer mes joues. Proclamer, proclamer à U, à U et à doigts, à luette, à luette, gentille luette, gentille luette. À bouche, que à bouche, que veux-tu? Je veux ta bouche, je veux ta bouche, clamer ta luette, clamer ta luette, ma gorge déployée, ma gorge déployée. Je chante les, je neurones, chante les neurones, le tympan, le sexe, le cortex. Je mâche mes mots, je mâche mes mots, je hache les, je mots, hache les mots, je ballonne, je les, ballonne mots. Les mots, je lâche du zeste, je lâche du zeste, je donne des dents, je donne des dents, j'abouche, j'abouche, louche. Mais parler entre ses dents, du bout de la langue. Je parle du ventre, je parle entre mes seins, du bout de la langue. Articuler du bout des doigts, parler des dents, sans desserrer le nez. Je parle du mou des dents, j'articule des doigts, sans desserrer mes joues. Du nez, parler entre mes dents, proclamer du bout de la langue. Et à doigts, à luette, je parle gentille luette. Je parle entre mes seins, que veux-tu? Du bout de la langue. Je veux ta bouche, clamer ta luette, du bout des doigts, déployer. Parler des dents. Je sens desserrer le nez, le tympan, le sexe, le cortex. Je parle du mou des dents, je mâche mes, j'articule dents, des doigts, je hache les, sans mots, desserrer mes joues. Je ballonne les mots, je lâche du zeste, proclamer, je donne à des dents et à doigts, j'abouche louche, à luette, gentille luette, à bouche, que veux-tu? Je veux ta bouche, clamer ta luette, ma gorge déployée. Je chante mes neurones, le tympan, le sexe, le cortex. Du bout de la langue. Je mâche mes mots. Je parle du, je hache les mots. Je parle entre, je ballonne dents, les mots. Du bout de la langue. Je lâche du zeste. Articuler, je donne des dents. Du bout des doigts. J'abouche louche. Parler des dents, sans desserrer le nez. Je parle du mou des dents. J'articule des doigts, sans desserrer mes joues. Du nez. Proclamer. Parler entre ses à dents et à doigts. Du bout de la langue. À luette, gentille luette. Je parle de à bouche, que veux-tu? Je parle entre mes seins. Je veux du ta bout bouche. De la langue. Clamer ta luette, ma gorge déployée. Articuler du bout des doigts. Parler je des dents. Je chante mes neurones. Sans desserrer le nez. Le sexe, le cortex. Je parle du bout des dents. Je hache les mots. J'articule des doigts. Je ballonne sans les desserrer mes joues. Je lâche du zeste. Je donne des clamer, j'abouche à U louche. Et à doigts. À luette, gentille luette. À bouche, que veux-tu? Du bout de la langue. Je veux ta bouche. Clamer ta luette, ma gorge déployée. Du bout de la langue. Je chante mes neurones. Articuler du bout des doigts. Le sexe, le cortex. Parler des dents. Je mâche mes mots. Sans desserrer le nez. Je hache les mots. Je ballonne les mots. Je parle du mou des dents. Je lâche du zeste. J'articule des doigts. Je donne des dents. Mes joues. J'abouche louche. Proclamer à U et à doigts. À luette, gentille luette. À bouche, que veux-tu? Je veux ta bouche. Clamer ta luette. Ma gorge déployée. Du nez. Je chante mes neurones. Le tympan. Du bout de la langue. Le cortex. Je mâche mes mots. Je hache les mots, je ballonne les mots, je lâche du zeste, articuler je du donne bout des doigts, j'abouche, parler des dents, sans desserrer le nez. Je parle du bout des dents, j'articule des doigts, sans desserrer mes joues. Proclamer à U et à doigts, à luette, gentille luette, à bouche, que veux-tu? Je veux ta bouche, clamer ta luette, ma gorge déployée. Je chante mes neurones, le tympan, le sexe, le cortex. Je mâche les mots, je hache les mots, je ballonne les mots. J'articule je lâche du zeste, sans desserrer mes je joues. Donne des dents, j'abouche louche. Proclamer à U et à doigts, à luette, gentille luette, à bouche, que veux-tu? Je veux ta bouche, clamer ta luette, ma gorge déployée. Je parle je du chante mes neurones, le tympan, le sexe, le cortex. Je mâche mes mots, je hache les mots, à U, je ballonne les mots, à luette, je lâche du zeste, je donne des dents, j'abouche louche. Je veux ta bouche, clamer ta luette, ma gorge déployée. Je chante. langues. Je parle du vent. Je parle en premier sens du bout de la langue. Articuler du bout des doigts. Parler des dents sans desserrer le nez. Je parle du bout des dents. J'articule des doigts sans desserrer mes joues. Pendant que la nez a U et a doigt. A luette, gentille luette. A bouche, que veux-tu? Je veux ta bouche, que la nez ta luette, ma gorge déployée. Je chante mes neurones, le tympan, le sexe, la parfaite. Je mâche mes mots. Je hanche mes mots. Je ballonne les mots. Je lâche du test. Je donne des dents. Sylvie Neve et sa partition de principe, ceci pour m'excuser d'avoir présenté l'asile le nez bouché pendant une heure et demie. Donc on essaiera d'être plus en forme la semaine prochaine. Voilà. On va écouter une dernière pièce pour terminer l'asile de cette semaine. Évidemment, une pièce d'Henri Chopin qui figure toujours dans ce très beau numéro de licence, la revue d'Alexandre Itters, numéro 0, consacré à Henri Chopin de 1999. Une pièce plus récente de Chopin de 1994 avec une musique électroacoustique d'Alexandre Itters qui s'appelle Frise majeure des lèvres et clarté. Donc une assez longue pièce pour s'acheminer gentiment vers le sommeil. Je voulais vous donner différentes infos avant de vous quitter. Vous signalez qu'il y a pas mal de choses de disponibles d'Henri Chopin, notamment son livre Poésie sonore internationale aux éditions Jean-Michel Place. L'an dernier, il avait fait paraître La plaine des respires, un vinyle aux éditions Tocnit Aleth pour magnétophone à bande, micro, voix, bouche amplifiée, souffles et respirations. Il y a également un DVDR de performance de poésie sonore d'Henri Chopin qui vient d'être publié, donc performance apparemment à Paris entre 2002 et 2003. C'est sorti par les éditions Sonart avec un arrobase et c'est disponible chez Metamkin. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne nuit et à vous dire à la semaine prochaine. On se quitte donc en écoutant une dernière pièce d'Henri Chopin, Frise majeure des lèvres et clarté. Ciao. Chopin a refait le ventre de Bertini pour trois vitesses et sept superpositions. En février 67,